Blockbuster, la chronique. Bonjour Frédéric Sigri. Frédéric Sigri, je suis très surprise de vous voir ce matin. Je croyais que Blockbuster, maintenant, c'était de 17h à 18h. Eh ben moi aussi, je suis surpris Amélie. Je m'y attendais pas non plus. C'est juste que cette semaine, je faisais le bilan de ma saison avec Laurence Bloch, la directrice de la station. Elle me disait... Moi, Fredo, oui, parce qu'elle m'appelle Fredo, je déteste ça, mais c'est elle qui m'embauche. La chronique que j'ai le plus kiffé cette saison, c'est celle sur Point Break. Moi, Body, c'est mon maître à penser. Tu vois ses cheveux? En fait, c'est un hommage à la vague qui emporte Patrick Swayze à la fin du film. Le seul regret que j'ai sur tes chroniques, Fredo, c'est que t'as pas parlé d'un truc. Alors moi, j'étais vachement embêté. Je dis, mais quoi, Laurence, je ne vois pas. Ben, l'anniversaire de Goldorak, Fredo. Ça fait 43 ans que Goldorak est arrivé en France et personne n'en a parlé. Laurent Delmas, Christine Maston, le masque et la plume, personne n'a parlé d'Actarus. Alors pour se tirer sur la nouille, sur le Oscarac, il y a du monde. Mais pour parler de Goldorak, il n'y a plus personne. Donc t'es gentil, Fredo, tu me fais une chronique de plus sur les Golgothes. Tu veux bien, mon poulet? Donc voilà, Amélie, ce matin, je vais vous parler donc de Goldorak. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. Ah, le fameux générique de Goldorak chanté par Enrique. On a ensuite eu droit à la version de Noam, des génériques qui n'ont strictement, mais alors strictement, rien à voir avec l'histoire de Goldorak. Là, on est sur un oral de bac français, genre « Parlez-moi de Corneille !» et l'élève te répond « Je suis un chanteur canadien des années 2000 !» On est à ce niveau de hors-sujet. Noam et Enrique, ils disent n'importe quoi dans ces chansons, mais ça s'est tout de même vendu à 4 millions d'exemplaires. Ils ont obtenu plusieurs disques d'or, et ça a été le point de départ de la fortune du producteur Chaïm Saban, que l'on a retrouvé ensuite derrière le succès de plein de génériques de dessins animés. Goldorak a eu droit à d'autres génériques, notamment celui de Bernard Minet, qui à une époque avait tout simplement décidé de tout chanter. Dessins animés, films, sonneries de téléphone, réveil matin. Bernard Minet, il chante tout! C'est le Bernard Minet Music Universe. Lorsque Goldorak arrive en France, le 3 juillet 1978, pour les parents, c'est l'incompréhension. Le style de dessin, les thèmes abordés, la violence. Goldorak, c'est le grand remplacement de la fin des années 70. Dans ces années-là, ton gosse peut se griller une clope dans ta bagnole sur le siège passager sans ceinture de sécurité, ça passe. Mais Goldorak venu du Japon, il n'y a pas moyen. Mais qu'importe les critiques, le dessin animé, Amélie, va cartonner et ouvrira la voie à toute l'animation japonaise. À un tel point qu'on parlera même de génération Goldorak. Goldorak, donc, Grandizer en japonais, ça fait un peu nom de désherbant, c'est l'histoire d'Actarus, le prince de la planète Euphor. Euphor, c'est comme Monaco, sauf qu'il paie des impôts. Il s'est réfugié sur Terre après que sa planète ait été envahie par l'Empire Vega. Oui, Actarus est un réfugié politique. Profondément pacifique et nostalgique de sa planète, on a tous en tête les images d'Actarus, mélancolique, en train de jouer de la guitare dans un champ avec sa tenue de cow-boy. Actarus, c'est le Julien Doré de l'espace. Il a beau avoir été adopté par le professeur Procyon, a beau travailler dans le ranch de Rigel, être ami avec Alcor et être aimé par Vénusia, il n'oublie jamais sa planète natale. Actarus a échappé au massacre en s'enfuyant à bord d'une machine de guerre qu'il vole à l'ennemi, le robot géant Goldorak. Car oui, Goldorak a été conçu pour être une arme au service des méchants. C'est ce qui explique son design particulier avec ses cornes, les cornes étant une des caractéristiques des Oni, ces démons japonais comme l'expliquait le créateur de Goldorak, le cultissime Gonagai. Et c'est ça qui rend le personnage d'Actarus si charismatique dans l'histoire des héros de série. Le longiligne Actarus, aux antipodes des canons de la masculinité occidentale des années 80, est un pacifiste, contraint d'utiliser une arme de guerre sur une planète qu'il choisit de défendre alors qu'il ne désire pas y vivre. Contrairement à ce qu'on a pu dire à l'époque, Goldorak n'a pas fait qu'enseigner la violence aux petits Français. Il leur a aussi appris qu'un migrant ne quitte pas forcément sa terre par gaieté de cœur et que quel que soit l'accueil qu'on lui réserve, il peut aussi garder tout au fond de lui l'envie d'y retourner. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fera à la fin de la série. Aux commandes de Goldorak, il retournera sur Euphor pour tout reconstruire. Joyeux anniversaire, Goldorak. Merci Frédéric Sigrist. On vous retrouve à 17h dans Blockbuster où il sera question de la série The Big Bang Theory. France Inter.